flot. Seul éphémère à courir en parallèle dans ma tête, plus de mystère, des idées perchées haut dans le ciel, courir en par-delà les week-ends, des rêves à briser. Des gens sur qui on peut compter, temps idéal de la semaine passée. Faut-il coudre un par-dessus pour ne plus voir les traces?